L'ambassade des Pokajou en France et le ministère de Culture de Pokajou présentent Radio Pokajou International. 15 minutes de voyage radiophonique à travers le Pokajou. Un programme diffusé depuis Jukapo, capitale de l'île, grâce à l'énergie produite par 300 écureuils qui courent sans cesse au cœur du Palais Royal. Bonjour messieurs, dames, soyez les bienvenus. Vous entendez la radio Pokajou International, la seule émission diffusée directement depuis Jukapo, capitale de notre île, grâce à l'énergie produite par 300 écureuils qui courent sans cesse au Palais Royal. Aujourd'hui, on voudrait consacrer notre émission au festival astronomique de Pokajou. Le Pokajou, comme vous le savez déjà peut-être, est l'un des pays avec moins pollution chimique et lumineuse, et les Pokajoutiens profitent chaque nuit de l'un des plus beaux cieux du monde. À Pokajou, on célèbre dans les triangles foncés l'un des festivals astronomiques les plus anciens et je dirais même des plus amusants du monde. Dans ce festival, la finalité des événements, c'est de faire comprendre aux assistants comment la Terre est minuscule par rapport à l'univers. Le festival ouvre normalement avec une séance où des volontaires venus partout à Pokajou choisissent l'un des soucis ou problèmes qui leur ont accablé au cours de l'année. Ils le racontent pendant que l'on observe la première pluie d'étoiles filantes. La banalité de la plupart des soucis racontés libère vraiment des éclats de rire. De plus, pour mettre en relief l'idée de taille humaine, un prix est accordé à la personne qui raconte le problème le plus absurde, banal ou petit. Aussi, ce festival qui mélange les pique-niques étoilés, l'observation astronomique et la bonne humeur a été classé par Amor Amor, le site web de rencontres le plus populaire de l'île, comme l'événement de rencontres amoureuses le plus important au monde. To sing it all back. vient d'entendre Stars Angel Olsen. Bien sûr, le joyeux du festival astronomique est un événement unique à Pocahontas. Il s'agit de l'observation d'étincelles lunaires. Et c'est justement la raison pour laquelle ce festival change de date chaque année. Ces étincelles lunaires sont un phénomène qui arrive uniquement dans des régions tropicales et australes et qui d'ailleurs concentre peu de masse. Le Pocahontas, d'ailleurs, dû à sa loi de protection de l'obscurité qui est unique au monde, un jour on va dédier une émission entièrement à cette loi. Cette loi permet de contempler les étincelles en tout détail. Ces étincelles sont des restes de minéraux qui se trouvent dans l'atmosphère et qui, dans un certain moment de l'année, se concentrent dans un même point. La lumière lunaire les dote d'ailleurs d'un lueur spécial. On dirait que ces particules sont en train de brûler. Ce phénomène, qui est assez rare, reste l'un de secrets les mieux cachés de Pocahontas. Mais par contre, c'est peu étonnant. Guarapati, la région qui abrite ce festival, reste l'endroit le moins éclairci de l'île parce que la chaîne dentée, la chaîne de montagnes qui l'entoure, est très difficile à traverser. Elle est aussi l'une des chaînes les plus belles, je dirais, du monde, mais bon, je suis originaire justement de cette région, donc je ne peux pas trop dire. Il est possible aussi de faire des courses nocturnes où l'on apprend, même aux enfants, à s'orienter grâce aux étoiles. Mais il faut dire aussi que ça sert à peu si on a des nuages le soir. Mais bon, on espère qu'on va avoir vraiment du bon temps pour faire tout ce type d'activité. On va entendre un morceau inspiré par ces courses lunaires, et spécifiquement au moment où tous les participants se rassemblent pour atteindre la levée du soleil. Ce s'appelle Tomorrow's Sun. Spirit free. feel. No more dark clouds I see. On a est de retour à la Radio Pocajo International, je suis Mélissa Suarez-Elver. Cette année, le festival astronomique de Pocajou sera consacré à Pluton. Des astronomes de tout le globe viendront parler de l'histoire de cette planète qui a été démunie de son statut de planète pour être renommée récemment comme planète nain. Des pièces de théâtre, des courts-métrages, de la poésie et des œuvres plastiques sont créées exprès chaque année pour le sujet choisi. Cette année, on nous propose la série de poésie « La planète qui ne l'était ». Le court-métrage Pluton, une histoire justement du point de vue du Neptune, qui pose des questions face à son planète voisin. Et naturellement, Claire and the Reason seront là pour nous amuser avec leur musique consacrée à ce planète. Et on est sûr qu'on va pouvoir entendre la nouvelle version de sa célèbre chanson Pluton de l'année 2007, quand on a renommé planétoïde à Pluton. Je vais vous laisser avec la version originale de cette chanson en français. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis sur Campus FM dans la version française de la radio Pocajou internationale. J'espère que vous nous rejoindrez pour le prochain épisode de la radio Pocajou internationale. Merci et à bientôt. Radio Pocajou International finalise sa diffusion pour aujourd'hui. Vous pouvez entendre la rediffusion le mardi à 10h. la prochaine.